sauver la planète. À chaque fois que j'ai vu cet autocollant sur un pare-choc, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer. Sauver la planète. Pourquoi faire? De quoi? De nous-mêmes? Et Dieu alors? Est-ce qu'il peut rien pour nous? Moi, je crois qu'il bougera pas. Dieu nous a tout donné pour voir ce qu'on allait en faire. Des putains de rats de labo s'en seraient mieux sortis. La vie est une galère et ensuite tu crèves. Philosophie de pare-choc. Ouais, c'est ça. Mais parfois... la vie nous offre une seconde chance.